power of the people. My friend, we want to come with us and do music in the street with a ninja connection. Are you agree? Come with us. Démocratie à genoux. Debout. J'ai tout cassé, j'ai tout, je sais pas pourquoi. Le peuple. J'ai touché quelque chose, je ne sais pas. Reste debout. Caché derrière. plupart du monde là, t'as vu? Aïe aïe aïe. Oui. Solis Radium. Viva. Do think? To understand. Try. Moi j'ai beaucoup aimé. Ah ouais. Ouais. Thank you very much. Je suis d'accord. Tu t'en vas? Attends, je tente un truc que j'ai jamais fait. Very much. Allez, un petit dernier. Non, pas encore, mais bientôt. J'attends pas. Comment rebondir sur un cul rebondi? Comment faire? Pas de mode d'emploi. On continue. Thank you. sous le soleil, évidemment. N'ayons pas peur des rayons, n'ayons pas peur des mots. D'accord, d'accord, Jim Jam, c'est clair. Chacun voulait partir, laisser tout tomber. Ça nous devons tous arriver. Nous lâcher, nous larguer. de plus espéré. Il y a le rouge dans la place. Well, G.I. Joe. à l'abordage pirate, s'aborder. must be crazy. Thank you. Universel, un truc de fou, un truc de dingue, ça trop lui. Les trous dans l'enveloppe aussi. Aussitôt, je te donne la parole.